Ça va les amigos? Ouais, très bien, toi. J'ai lu un truc rigolo dans le Parisien sur Striteo. Vous voyez ce que c'est Striteo? Non. Striteo? Non, on voit pas, c'est la société privée qui tape les contraventions sur les pare-brises des voitures suscitant chez les automobilistes. Y compris, il paraît qu'ils mettent des PV aux policiers. Tout à fait, ils font tout, ils ont le tout team. Drôle. Donc ils suscitent chez les gens des vagues d'amour, des élans de tendresse et autres marques d'affection fébrilement exprimées à coups de doigts brandis ou de projectiles improvisés par le truchement de pommes de pin, par exemple. Eh bien, la semaine dernière, l'une des employées de Striteo, hors service, je le précise, hors service, elle a été interpellée en train de se rouler un joint au jardin de Runlag, tout près de Radio France. Et j'accuse personne autour de cette table, je dis juste qu'on la connaît, Leïla. On la connaît. L'autre jour, non, c'est vrai, j'ai dit le jour, on est dans le bureau, là, j'ai dit à Leïla, vous savez, patronne, elle se fait appeler patronne quand Nagui est pas là. Je lui dis, patronne, il a l'air bien, votre shit, c'est pas un jugement de valeur. Je dis, c'est juste que moi, la résine de cannabis, ça me fait ni chaud ni froid, ça vous embête pas si je prends plutôt du cerfeuil. Elle me dit, non, elle me dit, c'est très simple, Ernesto, ou tu fumes ce que je te donne, ou tu peux oublier le JT de France 2 pour la promo de ton spectacle de merde. Alors, je dis, on critique Laurent Delahousse parce qu'à l'intérieur de ses lentilles de contact, il y a des photos de lui-même. Ok. En attendant, il n'oblige personne à consommer son tushy. Voilà, bref, l'employé de Striteo, figurez-vous, sous les peupliers du jardin de Ranelagh, essaye tant bien que mal de fumer ses 5 joints et légumes par jour. Ah bah oui, il a aussi vu les affiches chez le médecin, évidemment. Alors, et quand soudain, la police... l'aperçoit, la police. Qu'est-ce qu'il fait, la police? Qu'est-ce qu'il fait? Elle fait l'arrestation. Ah, bah, oui, c'est la police. C'est la police, elle aime bien arrêter les gens. La police, sinon, elle fait l'arrestation, sinon, c'est pas la police. Et la jeune femme va en garde à vue. Ah oui, parce que c'est aussi ça la France. Vous avez peut-être gagné la Coupe du Monde dans les conditions qu'on connaît. Chacun a son rapport à l'injustice, évidemment. On va pas revenir là-dessus. Mais bon, évidemment, on va toujours en garde à vue en France parce qu'on a fumé un ouinge. Ouais. Alors que franchement, si vous avez une police plus humaine, elle leur a dit, vous faites quoi dans la vie, mademoiselle? Je travaille chez Striteo, je me fais insulter toute la journée pour un salaire de misère. Ah bon? Et vous avez combien de grammes sur vous? 4, monsieur l'agent. 4 grammes? C'est beaucoup trop peu. On va en rajouter 15. On va en rajouter 15 parce que vous avez un métier bien relou. Je colle une dealeuse dans le coin. Si elle est hors antenne, elle pourra peut-être vous dépanner. Et puis je travaille. Non, c'est vrai. Et si je travaille chez Striteo, mais moi, non seulement je fumerai des joints, mais je fumerai les amandes. Je fumerai les essuie-glaces, puis je lècherai la peinture des voitures, je snifferai les cheveux des automobilistes. Ah oui, c'est pas valorisant, évidemment. C'est pas valorisant de travailler chez Striteo. Il n'y a jamais personne qui vient chez toi dans la rue en disant, j'adore ce que vous faites. Ah, vous nous faites tellement de bien. Vous nous faites tellement de bien. Ah ouais, t'es dans un réveillon, tu dis que tu travailles chez Striteo, les gens ils passent direct au conflit israélo-palestinien pour éviter les sujets qui fâchent. Hein. Vraiment, il y a un truc, c'est une tare. Et j'essaye moi-même de pas les détester individuellement parce que dans 99% des cas, pardon, tu prends ce job-là pour survivre. C'est vrai, ça peut pas être un rêve. Je connais personne qui rêve de percer dans le milieu de l'amende. Vraiment, enfin. Et Daniel Morin, c'est pas un bon exemple parce qu'avant d'être chroniqueur, il était huissier de justice. Dans sa chambre, il y a des posters de la Cour des comptes. Mais le nombre de fois où moi j'ai pris des amendes parce que mon ticket de parking il avait expiré genre 4 minutes avant, était là. Forcément, mais j'insulte pas les agents parce que c'est les paratonnerres par rapport au patron. Le patron, ils auraient pas le cran de le faire eux-mêmes. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'insulte Striteo toujours directement dans mes virements bancaires. Toujours. Je mets toujours montant 25 euros, non, Striteo de sa mère la pute. Toujours. Ça sert strictement à rien. Sauf si l'ordinateur qui traite le dossier est vraiment émotif. Tu vois, et qui te renvoie, tu connais pas ma mère, elle a pas une ligne de code facile. Mais ça sert. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais ça soulage. Honnêtement, je préférais les pervenches. Allez, bonne émission, les amis.